Et si on recommençait évidemment sans prendre les mêmes. C'est sûr, trop de problèmes nous concernent. Et puis je relis les flots que j'enchaîne et opte pour plus de clarté sur ce qu'on veut bien nous mettre en scène. Ce soir, je me sens tellement con du coup, je pose mon crayon sur le sillon. Quant à mes flots, ils me servent de rébellion. Et pas le temps de baisser les bras, je vois tellement de gosses tomber dans ce qu'ils croient être le peura. Du coup je m'imprime, j'exprime, afin de voir combien de jeunes ont primé pour la frime. Je crie pas au crime, non, mais trop de mecs qui crachent sur le job ou tant de mecs arrachent. Et rien ne pourra nous arrêter, on s'en est forcé, il faut oser. Hein, je me lâche avant de partir, allez, un dernier soupir. Qui sait, en enfer, y'a peut-être pas de quoi écrire. Voir avant de claquer mon édifice, monter pour toutes mes embrouilles, mon vice en clair, mes adieux sur un dernier bise. Et contre toute attente, que l'on danse à s'en péter la panse, je pense. Finir au plus haut de sa gloire, c'est mieux que finir dans un toncard sur le trottoir. Tes cousins, dans la MIFA, les liens, tu sais combien ça coûte pour que coûte, chacun trace son sillon sur la bonne route. Pourtant, c'était pas si facile, non. L'environnement faisait que tu pouvais devenir fragile. Ton destin, c'était gamin que tu devais le prendre en main. Et pour certains, périlleux fut le chemin, frangin. Ouais, j'en ai tellement à te raconter de toutes ces têtes médiatisées. Certaines sont restées, d'autres ont pu sauter. Pour certains, il a fallu la couper. Pourtant, le regard blasé des cités n'a pas changé. Et moi non plus, je n'ai pas changé, non. Je sais, je suis resté le même, avec un peu moins de haine et beaucoup plus de peine qu'hier. À se demander si nos aïeux de où ils sont sont fiers. Ouais, moins bien qu'hier, sûrement. Mais que sera demain, cousin? Avant que chacun décide de se donner la main. Avant que chacun décide de se donner la main. qu'on veut. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut. À force de jongler entre mépris et coupa, y'a pas. Soit tu craches ou tu baisses les bras. De droit tu t'armes, y crois afin de percer les failles. En somme revendique, se croit en droit de foutre la pagaille. Décidé, mon esprit sur ma manifestée. Même si j'y crois pas, je peux pas rester les mains liées. La bouche jouée, je suis le peuple révolté. Agacé, je pense à mes filles, est-ce que je vais bien pouvoir leur laisser. Je suis l'héritier des parfums d'un verre de sky. Des souvenirs d'une mère, ouais. Menant la bataille en force, à force de jouer les féroces. Rendre la vie de ses fils, ouais. Un peu moins morose, je suis l'héritier des chaînes sanglante du passé, l'être qui sommeille en moi façonne façon Kunta Kinte, façon Kunta Kinte. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut.